faire ça ensuite et laisser un espace quand même à notre ami. Peut-être plus préciser d'où tu parles. Ouais. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Pourtant, je vous accepte. Je précise à titre personnel ou disons que mes paroles n'engagent que moi, c'est le principe de la forme pour laquelle, autour de laquelle cette chose qu'est la France insoumise s'est organisée, à savoir que ce qui parle n'engage que, sauf que c'est l'ensemble qui signe SKLT, dans ce cas-là, c'est la France insoumise qui parle. Mais là, c'est pas le cas, donc je vais dire je vais donc préciser aussi d'où je parle, et ça va revenir à d'autres moments dans ce que je vais raconter. Là, j'assume aussi toute une série de biais personnels dans ce que je vais dire. Il n'y a pas de... C'est pas Sousloff raconte, édite la ligne du parti sur l'USA. Contrairement à ce que le titre que j'ai donné pourrait suggérer, par ailleurs. Donc, on va commencer par lever le pseudonyme. Hein. Donc, je signe Jean-Louis Bauturel parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait la campagne de recrutement comme maître de conférence l'an dernier. Donc, j'ai fait deux campagnes l'an dernier, la présidentielle et la campagne de recrutement. Donc là, je suis maître de conférence stagiaire, théoriquement, en gros, en train de sortir de la précarité. Mais il est bien évident que... signer ce genre de choses sous son vrai nom quand on est, c'est livré ESR, la France Insoumise, signer ça sous son vrai nom quand on est à TER, qu'on va soutenir. Bon. Surtout, alors par ailleurs, je suis germaniste et je suis linguiste, spécialiste de sémantique, donc j'aime bien qu'on parle de nos langues. Disons, je ne suis pas sûr qu'il y ait une politisation particulière du milieu germaniste en France, mais il y a une politisation particulière des gens qui assument leur politisation chez les germanistes en France. Et clairement, il ne fait pas forcément bon de se revendiquer soit du PC, soit de la France insoumise, soit ce genre de choses. Donc, il y a des bonnes raisons aussi d'être un peu prudent. Maintenant, je pourrais le lever. J'ai décidé de garder ce pseudonyme en grande partie pour la raison, en fait, qui a été dite tout à l'heure en passant, à savoir la logique de valorisation qui commence assez vite si on commence à signer des tribunes ou des textes théorico-pratiques sur l'ESR. Est-ce qualité? On se demande est-ce quelle qualité d'ailleurs? Est-ce finalement s'attribuer une qualité que de signer son nom? Je pense que la distinction des casquettes par un pseudonyme même et surtout éventé a cet avantage-là. Pas forcément, ça peut se discuter, mais c'est la position sur laquelle je me place, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc je disais, le titre induit un peu en erreur, je m'en suis rendu compte en relisant et en préparant mon topo hier. Donc il ne s'agit pas de dire l'économie, la connaissance, ce sujet du savoir et ce qu'on veut en faire, ou de poser un diagnostic de plus, surtout qui serait l'expression d'une ligne, ce genre de choses. Je vais plutôt expliquer quel problème on a eu avec ces notions, comment on les a traitées, comment on continue à les traiter. Pour moi, c'est l'économie, la connaissance et la soumission du savoir comme problème pour articuler un programme de politique des sciences. Comme des notions qui ne vont pas de soi, en fait, qui vont moins de soi que ce qu'un certain nombre d'automatismes discursifs pourraient suggérer. Y compris et surtout quand on met une casquette d'intervenant ou de militant d'une formation qui apparaît comme quoi apparaît la France insoumise, à savoir dans une tradition du mouvement ouvrier, etc., qui est très importante, sur laquelle je vais beaucoup revenir, mais c'est vrai qu'on entend tout de suite les trompettes de la marchandisation et le capital et le capitalisme, même si j'en parle. Mais voilà, tout ça ne va pas de soi, y compris pour nous. Donc je vais faire un plan, comme le bon élève et le préparateur à la grecque que je suis aussi, un plan en trois parties. En SHS, hein. Donc revenir sur la démarche qui est la nôtre, qui était la nôtre, qui sera la nôtre, je pense. Comment on milite, quel genre de politique des sciences on veut faire quand on travaille autour d'un programme à la fois gouvernemental et radical, qui se pose comme gouvernemental et qui se pose simultanément comme radical, quand on est scientifique, avec un certain nombre de valeurs travail collectif, etc., qu'on amène. Je ne prétends pas que ce que je vais raconter du fonctionnement du livret vaut pour les autres livrets. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres livrets en réalité dans leur machinerie interne. Ça s'est construit en marchant. Et le fonctionnement qu'on a adopté, le fonctionnement en faisant campagne, le fonctionnement qu'on a adopté n'a pas été édicté par qui que ce soit, et donc je ne peux pas du tout garantir que correspond à ce qui se passe ailleurs. Deuxième partie, la question de l'articulation au mouvement social en général, et troisième partie, la problématique de l'inscription géographique. Et à chaque fois, il s'agira essentiellement de cette notion d'économie de la connaissance. Donc, sur la démarche du livret, donc rapidement, d'où on parle, ou de quoi on parle quand on parle de ce texte. Donc, au départ, il y a l'humain d'abord, qui est le programme de 2012, qui a été réélaboré dans les premiers mois, c'est-à-dire au printemps 2016, en grande partie en parallèle avec Midodi. Et ça a joué un rôle, ce parallèle. À travers différents processus, des auditions qui sont très bien, des auditions programmatiques avec des gens très bien, d'accord ou pas d'accord. Regardez la vidéo de l'audition de Bernard Friot, vous comprendrez ce que je veux dire, d'accord ou pas d'accord. Des recueils de propositions d'amendements par les uns et les autres, par les gens qui se sont inscrits sur cette plateforme de soutien dans les premiers mois. Et puis l'écoute des mouvements sociaux pour arriver à quelque chose qui a été proposé à la validation des signataires de la plateforme en septembre 2016, qui est l'avenir en commun. Donc, le texte, qui est le programme qui est paru en librairie ensuite. Et donc je donne les dates parce que c'est septembre 2016, la convention qui a commencé à poser l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un mouvement de la France insoumise, c'est le 15 octobre. 2016, et je le sais parce que c'est le jour de ma soutenance de thèse, donc j'étais pas à la convention, et que j'ai reçu un coup de fil me proposant d'intégrer l'équipe d'animation d'un futur livret ESR 5 jours avant. Donc ça c'est vraiment, quand je dis construit en cours de route, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, surtout qu'à l'époque on partait sur 20-25 livrets, il y en a eu 40 et quelques finalement. Donc il y a eu, tout n'était pas écrit en termes de forme dès le départ. On pourra revenir sur les détails si ça vous intéresse. À partir de là, on s'est attelé à trois, initialement, à la rédaction de ce livret, deux co-animateurs, binôme paritaire, et un rapporteur. Le rapporteur, c'était moi. Il y avait donc des rapporteurs qui étaient adjoints sur les livrets réputés hautement techniques. Et le livret MSR, pour des raisons évidentes qui tiennent aussi à la novlangue et au caractère très rébarbatif d'une partie des textes en jeu, etc., a été immédiatement considéré comme un livret très technique pour lequel il faudrait un rapporteur, pour seconder les deux personnes qui animaient le livre. Donc on a constitué une liste de gens dont on s'est dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir leur avis sur un programme. C'est comme ça que c'est parti. Une liste de gens dont on s'est dit, on va les contacter, et la liste des propositions sur l'ESR qu'il y avait dans le bouquin, l'avenir en commun, qui était dans la figure en fait. Et pour le reste, on a synthétisé des travaux, des choses qu'on connaissait de nos expériences militantes antérieures, donc je peux donner des sources, essentiellement des textes de la CGT, des trois syndicats, CGT INRA, CENTRES et FERCSUP, des textes solidaires sur l'éducation, solidaire au PST, des textes des collectifs de précaires, beaucoup de textes des collectifs de précaires. Donc j'étais à TER et Raphaël Témios, qui était et qui est toujours co-animatrice, était maître de conf stagiaire cette année-là. La précarité était aussi quelque chose qui, biographiquement, pour les rédacteurs du livret, était fondamental. Et puis, je peux dire, je pense qu'on a rédigé le livret en ayant l'instruction de l'Université française de Granger à côté, tous, du début à la fin. Parce que c'est un texte qui a été absolument structurant et fondamental pour nous, pour tout notre travail. Et c'est d'abord un texte sur la précarité et sur ce qu'elle fait au métier et à l'université. Et puis, bien sûr, des textes de SLU, du groupe Jean-Pierre Vernant, etc. Et puis une source mystère que je traiterai. Donc ensuite, à partir de là, on a élaboré un livret martyr qu'on a envoyé à tous ces contacts. Et on a commencé à recueillir des amendements de ces contacts, en tout cas de ceux qui voulaient bien répondre. Et on a aussi eu beaucoup de non-réponses et quelques réponses défavorables qui ne nous ont pas particulièrement étonnés, mais par principe, on voulait contacter des gens dont on savait qu'ils n'étaient pas exactement a priori forcément d'accord avec nous. Où est-ce qu'on allait faire. Et donc on a synthétisé ces retours, y compris les plus critiques. On a vraiment essayé de prendre en compte pour autant qu'il y avait compatibilité et les lignes générales. On a traité ça en lien avec l'équipe de chiffrage, puisque tout devait être budget, tout devait être applicable au jour 1. Et on a atterri au martyr 24, qui a été transmis à l'équipe de coordination centrale, on va le faire tourner, à l'équipe de centralisation du programme, qui a vérifié qu'il n'y avait pas de contradiction avec les autres livrets, que tout était effectivement bien chiffré, et il en est sorti, donc ça, 12 000 signes, donc c'est pour ça qu'il y a des raccourcis, etc., parce qu'on avait un seuil quantitatif à ne pas franchir. On peut le faire tourner. Et il est en ligne, on peut le télécharger en PDF sur le site programmatique de la campagne présidentielle qui est toujours en ligne, tout est toujours accessible. Alors très vite, on s'est posé un problème avec le diagnostic autour de deux notions, l'économie de la connaissance et la marchandisation. Alors c'est important de parler de marchandisation parce que ça mobilise les gens, parce que ça correspond à une vérité, bien sûr, mais c'est un concept extrêmement piégé en réalité. Ne serait-ce que parce qu'il y a au moins deux grandes exceptions possibles, celles qui se cristallisent tout de suite autour de la notion de profit ou de rentabilité, qui serait imposée aux établissements, etc. Il faudrait faire du fric. On va tout de suite parler des frais d'inscription, même si c'est pertinent, et ça va revenir. Mais se jette dessus comme la vérole sur le clergé baroton. Et puis il y a la deuxième exception qui est celle où il n'est pas question de marchandise mais de marché et de logique de marché, de logique d'évaluation autoritaire d'une anthropologie libérale qui peut être à l'œuvre y compris sans convoquer la notion de profit de rentabilité. Moi je pense qu'on part par exemple ce qu'on a avec Parcoursup en ce moment, et je suis d'accord qu'il y a une part d'échec aussi à. Parce qu'il n'y a que la question de la sélection qui est surnagée au détriment des autres volets du projet. Parcoursup, c'est une illustration magnifique, assez pure, hein, d'une logique de marché qui, à ce stade, ne convoque pas le profit et la rentabilité dans le projet. Donc il y a un problème avec cette notion de marchandisation, autour de laquelle on a beaucoup tourné, idem pour l'économie de la connaissance, parce que les deux, évidemment, se rejoignent. Et un autre problème entre la question donc, du libéralisme en général et la question de la dérive bureaucratique et autoritaire. Ça, c'est côté soumission du savoir. Comment on articule les deux et là encore, ça s'est fait par bricolage, par écoute des retours contradictoires qu'on a eus. Comment essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas une synthèse, mais qui soit une convergence, des critiques. Bon, et puis finalement, c'est la notion de stratégie de Lisbonne qui a fourni le dénominateur commun à soumission du savoir, marchandisation, économie de la connaissance, autour des textes de la stratégie de Lisbonne. Avec comme corollaire, au fur et à mesure qu'on creusait, qu'on s'interrogeait, qu'on écoutait, il y a aussi eu deux séances à fin automne 2016, où on a fait venir les gens qui voulaient, mais les gens qu'on avait contactés, pour échanger de vive voix sur le contenu des documents martyrs transmis, sur les amendements, etc. Progressivement, la question de la scission, de la partition entre université de proximité et université de recherche excellente a gagné en importance au point, à certains égards, de passer au premier plan du programme. Et là, ce qui a été décisif, en plus des retours, ça a été la source mystère, à savoir le programme de François Fillon. Et l'autre source qu'on a aussi lu de très près, le programme d'Alain Juppé, où il était énormément question de cette partition. Et où, en particulier chez Fillon, il était écrit noir sur blanc que les frais d'inscription seraient, pour les universités de proximité, sanctuarisés à leur niveau actuel. Avec une suggestion quand même assez forte que, il y avait autre chose, effectivement, que... Alors, il y avait l'enjeu profit, clairement, rentabilité, notamment pour les universités d'excellence, chez Fillon, mais il y avait l'idée qu'un service public paupérisé, comme piège à pauvres, et piège à gamins des classes populaires, était d'une certaine façon compatible. Il y avait même les violons dans le programme de Fillon. N'oublions pas que la Sorbonne a été fondée pour les étudiants pauvres. Vous pouvez aller vérifier, la phrase est noire sur blanc dans le programme ESR de François Fillon. Si vous trouvez encore le PDF, sinon je vais peut-être encore quelque part. Donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que juste l'affaire de profit. Et donc on est arrivé progressivement à quelque chose qui accorde, notamment par rapport à l'humain d'abord, et par rapport à l'avenir en commun, à ce qu'il y a noir sur blanc dans l'avenir en commun, une place beaucoup plus importante aux questions de liberté académique, aux sciences citoyennes, à la question démocratique en fait, d'une part, et d'autre part à cette idée de partition entre université de recherche et université de proximité, qui était absente de l'avenir en commun. Ça n'a posé aucun problème en termes d'intégration au programme vis-à-vis de Charlotte Girard et des gens qui coordonnaient le programme, tout simplement parce que ça cadre aussi très très bien avec l'idée « eux contre nous » et la sécession des élites et de l'oligarchie contre le reste. Donc finalement, dire bah, « en fait, il y a la même chose à l'université, avec les universités de recherche qui font sécession », c'est pas sécrète, hein. On peut le... Alors on n'a pas négligé la marginalisation. Pour autant, la seule proposition du livret qui était retenue par la presse, c'était la gratuité au sens strict, c'est-à-dire l'abrogation de tout frais d'inscription, même symbolique. C'était une mesure essentiellement symbolique, vu leur niveau actuel, hein, frais d'inscription, mais c'était une façon de dire la marginalisation, l'impératif de profit reste dehors, puisque l'enseignement est gratuit au sens strict, à tous les niveaux, ce qui est... pour mémoire, quand même, un principe constitutionnel dans ce pays. Dans la Déclaration des droits économiques et sociaux de 1946, il y a la gratuité de l'éducation à tous les niveaux, l'enseignement public. Ils ne disent pas à l'université, ils disent à tous les niveaux, donc a priori, l'université devrait être effectivement gratuite, en tout cas ni plus ni moins gratuite que l'école primaire. On peut rappeler ça aussi, que en fait, la gratuité de l'université a un statut constitutionnel dans ce pays. Donc on a continué un peu, on a choisi de continuer dans cette dynamique et dans cette idée de... nos positions ont énormément bougé pendant l'automne 2016. Et on s'est dit que c'était bien que ça continue comme ça. Donc on a tenu les premières assises insoumises de l'ESR, clin d'œil aux assises soumises de l'ESR de la mandature précédente. 15 jours avant le premier tour, effet médiatique que vous pouvez imaginer de faire une réunion sur l'ESR 15 jours avant le premier tour de la présidentielle. On n'était pas très nombreux en plus, mais on s'est dit que ça enclenchait quelque chose. On a fait les deuxièmes cet automne à Bordeaux. Et on a décidé de continuer à proposer de faire vivre le livret en mettant en place une liste d'échanges et discussions modérées. Mais alors, moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait censuré un seul mail depuis la création de la liste. C'est modéré pour éviter qu'il y ait des ultra-trolls qui, le cas échéant, bordélisent tout. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc une liste d'échanges, on vient de lancer une lettre d'information. On a fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on a rédigé nous-mêmes le premier numéro, mais l'idée est vraiment que les uns et les autres puissent rédiger, enfin, proposer des textes en leur nom propre, etc., pour les numéros suivants. C'est vraiment dans une idée d'essayer de créer un forum pour fédérer les choses qui se font, qui se disent, qui se pensent de tel ou tel côté du spectre. Des gens qui pensent que ça va pas et qu'il faut dire que ça va pas et faire en sorte que ça aille moins mal. À défaut d'avoir gagné. Ce qui, évidemment, est quand même la première meurtrition. Et donc, on va continuer en me proposant, au moins dans un premier temps, la prochaine date, ça serait 23, 24, 25 mai, c'est la page pub. Donc, c'est une camarade qui est là d'ailleurs, qui s'y accorde. Voilà, qui a proposé ça, de faire quelque chose en parallèle au grand sommet Erasmo-Bolono-Lisboète de Macron à Chaillot le 23, 24, 25 mai, d'essayer de proposer des journées de débats, d'échanges entre gens qui pensent que ça va mal, non seulement en France, mais aussi en Europe. Cette dimension internationale sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc voilà, on est dans l'idée de construire des choses, de se laisser surprendre. Il y a un programme qui ne va pas trop bouger, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de convocation, de convention programmatique ou ce genre de choses, mais à l'intérieur de ce cadre, l'idée est vraiment de bouger et d'accepter que la contradiction s'exprime. Pas de ligne officielle. J'en viens à la question du rapport au mouvement social, parce que finalement... Parce que finalement, dans notre rapport au syndicat, dans notre rapport à la question de la marchandisation et dans notre rapport à la précarité, on s'est très vite heurté à la question du positionnement par rapport au paysage syndical, par rapport aux luttes en cours, et notamment aux luttes en cours en dehors de l'ESR. Donc là, je vais petite pause et dire d'où je parle à titre personnel, puisque c'est aussi c'est quelque chose qui, pour moi, est assez structurant. Donc, mon baptême du feu militant dans l'ESR, ça a été 2009. Donc, raté, pas bien. Là, on a fini les obstinés. Donc, dès cette époque-là, j'étais en L3. Hein, je trouvais sordide. Pour moi, la ronde a fini d'obstiner, c'était sordide dès le départ, parce que c'est quand même, ça se veut un signe de lutte indéfinie, c'est d'abord un signe de nombrilisme, de stérilité, de tourner en rond, comme fou, les universitaires ne se rendent pas compte de, du signe qu'il y a à tourner en rond. Quoi. C'était une vision... Oui, mais bon, on a vu comment ça s'est terminé quand même. Voilà, une incapacité massive aussi, hein, dans l'échec, il y a quand même notre incapacité à nous faire entendre en dehors du milieu de l'ESR. Alors, en partie parce que le monde libé, etc., sur qui on comptait de façon quand même passablement naïve, nous ont tiré dans le dos avec une virulence réelle, mais bon, il n'y a pas que ça. Quoi. On n'a pas réellement su sortir des facs. On n'a pas toujours su acter le fait que la différence par rapport à 68, c'est quand même que beaucoup de facs maintenant, sont dans, notamment en province, sont dans des campus hors des villes. Ça ne sert à rien de bloquer une fac qui est sur un campus à 15 km de la ville. Qui ça, surtout une fac qui est SHS, quoi. Moi, je veux bien qu'on bloque Bordeaux 3 où je travaille ou le Mirail. Qui ça dérange? Comment on construit un rapport de force en bloquant une fac de SHS sur un campus à 30 km de la ville? Qui ça dérange? Comment on fait plier un gouvernement sur une ligne comme celle-là? Bon, ça après, hein, en allemand, on dit on est toujours plus intelligent après. On apprend aussi qu'on ne pouvait pas faire plier le gouvernement en constatant qu'on l'a eu quand même très profond. L'autre chose, malgré 15 semaines de mobilisation massive, enfin, c'est, pas quand même, c'est pour ça que ça a été dévastateur. C'est que c'était un mouvement énorme qui a débouché sur gagner un tout petit peu de temps dans la mise en place des modulations de services pour les enseignants-chercheurs. Et encore, il n'est pas dit que ce soit pas dû au ralentissement général du train de réforme Sarkozy à cause de la réforme, de la crise économique. On ne saura même pas si c'est à nous qu'on doit d'avoir retardé la modulation de services. Et en face, il y a Nuit Debout, qui est un échec, mais qui a ressuscité quand même une partie d'entre nous, une partie du mouvement social. Et moi, à titre personnel, je dois dire qu'il y a aussi eu la rencontre avec les travaux de Friot. Donc, j'ai vaguement entendu parler, mais pas plus. Et je pense qu'il y a chez Friot des choses très, très intéressantes, y compris surtout pour nous. D'abord parce que quand même, historiquement, le statut de fonctionnaire pour les universitaires, etc., on peut dire tout ce qu'on veut. On a été une poche déjà là. Peut-être pas communiste au sens où il l'entend, parce que le mandarinat, c'est pas ça, mais on avait le salaire à vie. D'accord, le statut de fonctionnaire, c'est un trou, un morceau de salaire à vie, au sens de Friot. Et puis Friot, c'est quand même une réflexion très intéressante sur l'opposition entre qualification et certification, qui est quelque chose de crucial lorsqu'il arrive au diplôme en ce moment avec Parcoursup, avec la liquidation totale de la licence dans le cadre de qualification et son remplacement par un panachage de certificats. Donc là, on est quand même dans quelque chose que la sociologie du travail et la tradition cégétocommuniste ont pensé très longtemps. Et donc ça marche. Et puis je suis quand même assez frappé, y compris là dans cette salle, de voir la récurrence du thème du travail bien fait et du métier qu'on nous empêche de faire. C'est quand même la grosse intuition de gros bon sens qu'il y a derrière Friot, à savoir déconnecter l'emploi et le métier. Donc il y a des échos, il y a des échos massifs, et d'autant plus massifs que c'était en parallèle qu'on construisait, à quelques encablures de là, c'était pas le groupe du travail, j'étais à Paris à l'époque, le collectif national des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui était une fédération de micro-collectifs, où pareil, tout le monde avait des structures universitaires françaises, sous les yeux en permanence pour essayer de construire quelque chose, un parasyndicat ou un alter-syndicat fondé sous l'idée que l'université française était en ruine et qu'on ne voulait pas habiter ces ruines. On voulait faire autre chose et acter que la précarité avait déjà détruit le métier. et aussi, notamment aussi s'opposer à l'idée que la précarisation est une conséquence de l'austérité aveugle et des économies de chandelle, qui est là pour le coup la ligne de marchandisation, en tout cas de plus caricaturale, et qui n'est pas opératoire, et qui sous-estime complètement ce que les réformes actuelles ont fait à l'université et ce qu'elles voulaient en fait. Ça n'interdit pas de revenir au marché, et notamment quand on voit Parcoursup, et cette différenciation entre adjacente mais centrale en fait, entre les grandes universités ultra sélectives et des universités de proximité faiblement sélectives ou pas sélectives, ils ne sont pas d'accord entre eux clairement, hein, sur le degré de sélectivité des universités de proximité. Ça veut dire qu'au passage, qu'il ne faut pas exagérer non plus le degré de cohérence et de solidarité de l'adversaire. Ce n'est pas forcément un monolithe. C'est un monolithe sur l'excellence des universités de recherche. Ce qui ne les intéresse pas, à savoir les pauvres et les formations qu'on va proposer aux gosses de pauvres et les universités de proximité, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de production théorique sur le sujet en réalité. Il y a une production théorique intéressante et massive sur les autres, sur l'excellence des universités de recherche. Mais ce qu'on fait du reste, c'est-à-dire de 80% des 80% qui ne sont pas les premiers de cordée, des riens, quoi. Comme c'est rien, on ne travaille pas dessus, et donc ils ne sont pas d'accord entre eux. Et les Macron Leaks ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, notamment sur la question des frais d'inscription dans ces établissements-là. Il y a du jeu. Il y a du jeu, en fait, sur un marché secondaire, qui est le marché des certifications. Parce que le marché primaire, qui est le marché de l'excellence, du transfert de technologie, là, ils sont d'accord entre eux, parce qu'ils l'ont pensé. Et tant pis si c'était un mythe. Tant pis si la Cour des comptes a montré il y a 15 jours que les transferts de technologie avaient rapporté 4 fois moins que ce qui était escompté dans le cadre du PIA. Tant pis si les études scientifiques internationales montrent que le mouvement en ce moment est à la déconcentration de la recherche, pas à la concentration. C'est un mythe. Tout ça est un mythe, mais c'est pas pour autant que c'est pas pensé et qu'ils n'ont pas les moyens d'essayer de rendre ce mythe efficient. L'idée que ça peut se casser la gueule si on arrête de s'y opposer, en un sens, c'est aussi, à laquelle je souscris en partie, c'est une tentation très dangereuse, mais elle est là et elle doit nous dire quelque chose. C'est qu'au fond, on sait que ça ne peut pas marcher, que le programme d'en face repose sur du vent, et que le bullshit n'est pas seulement dans la novlangue. Il est d'abord dans l'analyse concrète des conditions concrètes du rôle de la science dans le capitalisme contemporain, tel qu'il le fantasme, et tel qu'il n'est pas en réalité. En tout cas, c'est pas comme ça que la science fonctionne, il n'y a pas de transfert de technologie, c'est pas du tout comme il le pense. Ben voilà, il faut s'appeler Aguillon pour croire que ça marche comme ça. Mais il s'appelle Aguillon, il s'appelle Cohen, ils font des rapports, et tant pis si c'est rien. C'est efficient quand même, mais nous, on ne doit pas perdre de vue que ça n'est rien. Et que, par contre, ces riens ont des dommages collatéraux sur le marché secondaire, surtout les gens qui veulent juste se former, se qualifier. Pas juste se former, justement, qui veulent se qualifier. Et cette idée, vraiment, que, du coup, on doit chercher. C'est difficile, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et quand je dis « on », c'est vraiment... Enfin, c'est moi le premier, hein. Je ne sais pas par quel bout le prendre, mais la convergence des luttes avec le mouvement social, l'idée que le monde de la loi Vidal, c'est le monde de la loi El Khomri, et c'est le monde des ordonnances Pénicaud, ben c'est pas qu'un slogan, c'est vrai. Parce que si on détruit les qualifications, si on au profit de certification, ça va de pair avec la destruction du code du travail, et finalement ça a été expérimenté à l'université avec des post-docs, avec des boulots à la con, avec l'arbitraire généralisé, avec des non-statuts, le non-droit du travail à l'université. Elle a été son propre laboratoire, hein, quand même, la fac à cet égard-là. C'est ça la force du mouvement des précaires, c'est d'avoir articulé ça. C'est d'avoir articulé ça. Et pour moi, ça reste vrai, ça reste fondamental. Et donc ça veut dire qu'on doit sortir des cadres universitaires, qu'on doit sortir des campus. D'abord parce que de toute façon, les mouvements antérieurs ont prouvé que les mouvements sur les campus, ça sert à rien. Moi, je suis à Bordeaux, le seul endroit où le mouvement actuel a une visibilité. C'est dans la fac la plus à droite, l'endroit où il est en réalité le plus faible. Mais c'est parce que cet endroit-là, c'est la fac médecine sociaux dans l'hypercentre. Donc quand ils bordélisent, tout le monde le voit. La fac de SHS, on peut faire tout ce qu'on veut, personne ne le voit et tout le monde s'en fout. la fac dans l'hypercentre où, alors c'est les sociologues hein, qui vont occuper l'amphi des médecins, évidemment, mais ça emmerde les médecins. Ça emmerde les médecins, ça emmerde le président médecin. Du coup, on voit les flics, parce que c'est quand même le bâtiment sur la, qui donne sur la grande place de passage de la ville, ça le rend fou. Il y a du sang sur les murs, littéralement. Il y a eu du sang sur les murs. Hein. Vous avez des photos, des giclures de sang sur les murs, tellement les flics qui ont été de main légère sur des occupants pacifiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand on a repris, hein, c'était la défense de l'ordre légitime, ça a galvanisé un mouvement et ça a fait un point de convergence. Et c'est le seul endroit où on arrive à pourrir les choses sur Bordeaux. C'est l'endroit, en fait, où les gens sont sur la grande place de la ville, sur le point de convergence des manifs des travailleurs, et où les cheminots ont l'habitude d'aller frapper à la porte. Et où l'usine Ford, d'à côté de Bordeaux, dont le délégué syndical s'appelle Philippe Poutou, ça aide, où est-ce qu'ils vont frapper à la porte quand ils veulent de la convergence des luttes? Ils vont là. Ils vont passer de la victoire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, sortir des campus, c'est crucial et c'est indispensable lorsque le campus est réellement un campus, c'est-à-dire lorsqu'il est hors de la ville. Et là, pour le coup, l'ennemi nous aide parce que les grandes universités d'excellence veulent quitter les campus et veulent réintégrer les centres-villes. Laissons-les faire. Parce que là, ils nous offrent des cibles. Clairement, tant qu'on restera pourrir dans nos bâtiments amiantés des années 70 à 30 km du centre-ville, qui nous offre des bâtiments à occuper, à border, liser, à faire des sit-ins devant, etc., sur la place de la mairie, ça on sait faire, et pour le coup on sera vu. Et pour le coup, il y aura une visibilité d'un tout autre niveau que 10 personnes qui tournent en rond, dans tous les sens. Moi ça m'a traumatisé. Alors, j'en viens du coup, enfin, j'y suis déjà, hein, en fait, à l'inscription géographique. À l'inscription géographique, donc il y a deux échelles, pour moi, sur lesquelles il faut travailler. L'échelle internationale et européenne, donc on va y revenir, etc. C'est important parce que c'est un révélateur. C'est notamment un révélateur des faiblesses du discours sur l'austérité aveugle et les économies de bout de chandelle, parce qu'on voit qu'il y a la même chose qui se passe dans d'autres pays, y compris par exemple en Allemagne, où il n'y a pas de diminution du budget de la recherche. Donc ça n'est pas une logique d'économie de bout de chandelle. S'il se passe la même chose dans des pays voisins où les budgets augmentent, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a un agenda, et c'est là que la stratégie de Lisbonne, les documents Lisbonne sont très intéressants et très pratiques. Comme révélateur de ce qui se passe, des vrais enjeux, etc. Aussi des points d'appui. Ce qu'ont fait les Néerlandais, ce qu'ont fait les Allemands sur l'open access, par exemple, c'est un point d'appui énorme pour permettre au CNRS de lutter contre Springer. Ça ne serait pas arrivé si les Allemands n'étaient pas sortis d'abord et si auparavant les Néerlandais n'avaient pas mis en place un service parapublic d'aide, de désintoxication aux majors de l'édition pour les revues, permettant l'exfiltration des grandes revues de certains pôles éditoriaux. De la même manière, donc moi j'ai fait mes années allemandes comme tout bon germaniste, il se trouve que c'était les années juste après 2009, au moment où il y avait des luttes étudiantes contre l'introduction des frais d'inscription à l'université en Allemagne, que l'université allemande a toujours été gratuite, et ils ont eu la peau des frais d'inscription. Ça a duré, la parenthèse a duré 2 ans, avant que, en gros, au fur et à mesure, les différents lenders, au fil des élections locales, le nouveau gouvernement s'empressait de retirer les frais d'inscription pour avoir la paix. Donc on peut gagner. C'est aussi un enseignement qu'on peut regarder à l'étranger. Et ce qui se passe en Angleterre en ce moment est très intéressant aussi, parce que ça montre une lutte statutaire, un conflit social qui assume d'être un conflit professionnel, d'être un conflit pour le statut. C'est nul de dire les Anglais ne se battent pas pour leur statut, ils se battent contre la marchandisation. Non, ils se battent pour leur statut. Et c'est ça qui est bien. Alors bien sûr, ils se battent aussi contre la marchandisation. Mais s'ils se battent efficacement et massivement contre la marchandisation, c'est parce que leur mot d'ordre, c'est pas non à la marchandisation des universités britanniques, surtout quand on voit d'où ils partent. Leur mot d'ordre, c'est sauver le peu qu'il nous reste de statut. Et c'est comme ça qu'ils massifient. En apprenant aussi à se comporter en travailleurs. En travailleurs. Et les coûts du mouvement social, c'est aussi d'assumer ça. Et alors la dernière chose qu'apprend à l'étranger, c'est quand même que Lisbonne bordélise tout ce qui peut être bordélisé, le pire de tous les pays. Parce que donc, quand j'étais en Allemagne, j'ai vu disparaître du coup. Donc j'étais en Allemagne au moment où Bologne, pour eux c'est Bologne, c'est pas Lisbonne, a été appliqué en Allemagne, et donc on a vu disparaître en pratique le seul statut non précaire, autre que le statut de grand professeur mandarin. Il y avait un statut non précaire à l'université allemande, c'était le statut de conseiller académique, qui était en fait un poste administratif, c'est-à-dire qu'on était embauché comme responsable de licence ou de master, ou genre de chose. C'est pour ça qu'on était payé. Et on était défrayé vaguement pour ces activités de recherche et d'enseignement. Ceux qui n'ont pas ces charges administratives sont juste défrayés. Ou alors sont contractuels et virés obligatoirement au bout de 6 ans. Donc le seul job non précaire, c'était celui-là, il a été détruit par Bologne. Et par contre, ils ont créé des postes de professeurs pour gens d'honnabilité. Des postes complètement baroques, incompréhensibles. C'est qu'ils ont créé du chaos, de l'illisibilité, là où le système allemand était déjà le plus illisible, à savoir sur les statuts. En France, ils ont créé du chaos, de l'illisibilité, là où le système était déjà le plus illisible, à savoir sur l'articulation entre universités et grandes écoles. C'est quand même, à chaque fois, le point le plus pathologique du système qui explose, qui pourrit tout comme un cancer, à vitesse exponentielle, grâce à Lisbonne, grâce à Bologne, où à chaque fois le point faible prend des proportions folles, qui fait échouer le truc en plus, qui fait échouer l'application de Bologne et de Lisbonne dans le pays en question, et qui crée de la diversité. Alors la deuxième échelle, la plus pratique, pas applicable partout, mais qui est applicable enfin, dans le cas que j'ai sous les yeux, c'est la question du rapport à la métropolisation. Moi, j'ai été très marqué, étant à Bordeaux, où on a un modèle de choix de la ligne à grande vitesse, du discours du pays, du ravalement de façade, et de ce mot d'ordre commun aux républicains, aux macronistes et aux socialistes, à savoir la métropole millionnaire. Faire de Bordeaux une ville, une métropole de plus d'un million d'habitants, qui soit une smart city connectée sur le modèle de Seattle. Tout ça est assumé, hein. Seattle, Bilbao, machin, ils ont demandé à Michel Lusseau de faire des comparatifs entre Seattle, Bilbao et Bordeaux. Enfin, c'est théorisé à un point délirant, et ce qu'il y a très bien, c'est qu'il faut des campagnes là-dessus. Donc les gens sont conscientisés. À Bordeaux, les gens savent ce que c'est qu'une métropole millionnaire. Et évidemment, quand on tombe sur les textes de Bouba Olga, sur le mythe CAM, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, bon, ils sont de toute façon pensés en grande partie à partir de ce qui se passe à Bordeaux, c'est pas un béni. Hein. Parce qu'ils montrent, ils démontrent, alors son dernier texte avec Rossetti est super, hein, ils démontrent point par point pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est un mythe et qu'est-ce qu'on peut faire en face. Et en fait, ben, ils nous donnent un programme. Ils nous donnent un programme d'action pour fédérer les colères du quotidien, etc. Tous ces mots qu'on entend beaucoup, souvent au détour d'allusions aux conflits sociaux à Chicago, des instituteurs, de la méthode Alinsky, etc. Moi, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. J'ai jamais lu Alinsky, je ne sais pas ce que ça recouvre. Je ne comprends pas. Enfin, voilà, les instrumentalisations et les dialogues qui sont faits autour, y compris chez nous, hein, y compris la France Insoumise, me passent au-dessus de la tête. Par contre, ce qu'ont fait les gens à Chicago, ces incites à Chicago, en tant que lecteur de Jacobine, ça m'intéresse, j'en parle quasiment à chaque édition, ça m'intéresse parce que c'est des gens qui ont transformé un conflit catégoriel en insurrection d'une métropole. En faisant le lien entre la casse de leur statut, la casse de leur service public et un plan d'aménagement du territoire sur des questions qui parlaient aux gens. Et à Bordeaux, les gens sont vent debout contre ce qui arrive au transport en commun, ce qui arrive au logement, ce qui arrive au stationnement. Et c'est merveilleux parce que l'un des facteurs majeurs du réaménagement de la ville, c'est le tracé de la ligne, pour ceux qui connaissent, le tracé de la ligne B du tramway, qui est la ligne qui relie tous les campus de la ville. Et évidemment, la gentrification se fait le long de la ligne B du tramway, avec, dans certaines zones, des poches spécialisées, des quartiers dortoirs pour étudiants. Et pour néo-bordelais, universitaires souvent précaires, c'est là que j'ai atterri, je suis allé à Bordeaux. Et ça fait exploser les transports en commun, et ça pose des problèmes de stationnement. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, pour les gens, pour les ouvriers, pour les salariés, pour les retraités, etc., concrètement, l'excellence, la politique de développement des campus, ça veut dire ça. Ça veut dire la destruction du tissu social de la métropole. Tels qu'ils en font l'expérience tous les jours. Et ça, je pense que sortir... Enfin, quand on a la chance d'avoir une conjonction comme celle-là, qui peut se présenter, je pense, à Poitiers, à La Rochelle, ça me paraît ridicule, mais comme Poitiers a la métropole du Grand Poitiers, excellent, etc., que La Rochelle se veut la capitale du littoral connecté, international, tout ça est ridicule, mais ça montre le fake. Et par ailleurs, ça pourrit quand même la vie des gens dans ces villes. Et donc c'est très bien, parce que nous, on peut arriver en disant, bah, vous savez quoi, ils accordent une place centrale qu'ils sont en train de nous faire, à nous les universitaires, à nous les universités, à vos gamins aussi, avec Parcoursup, etc., dans le plan de réaménagement de la ville, vous pourriez la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui peut structurer, qui peut permettre des conjugaisons de lutte. Je terminerai en disant qu'au moment de Nuit Debout, de cette ébullition, etc., j'ai aussi découvert personnellement, enfin, je ne connaissais pas, donc, qui est David Harvey, et les propositions d'organisation politique de David Harvey, et qui est très, très intéressant, parce que donc, lui, comme il a une veine anarcho-syndicaliste forte, c'est par les syndicats, mais c'est par les unions locales. Donc c'est de l'interprofessionnel territorialisé. Et donc ça, je pense qu'indépendamment du positionnement vis-à-vis des stratégies de tel ou tel mouvement, vous avez compris que je ne suis pas là pour faire de la retape, hein, indépendamment du positionnement vis-à-vis de tel ou tel mouvement, etc., cette idée de localiser, de territorialiser nos problèmes, ce qui implique du coup d'abandonner les grilles, de passer des grilles de lecture générales à leur contradiction concrète sur le terrain. Mais je pense qu'en fait, c'est ce qui nous renforce, parce que c'est quand on passe aux contradictions concrètes sur le terrain qu'on arrive à montrer que le discours en face n'est pas viable. Et qu'en fait, ils sont beaucoup plus faibles que ce qu'on croit. Parce qu'en réalité, comme ça repose sur rien, à un moment donné, il va y avoir le mur du réel. La question, c'est est-ce qu'on peut aider, nous, à construire le mur du réel en espérant qu'il se fracasse dessus au plus vite. Et je pense que dans certains endroits, vu l'importance que les classes dirigeantes accordent à l'économie de la connaissance, dans leur mythologie, le transfert de technologie, etc., ils nous donnent un levier. Si pour eux la politique démocratique, enfin, politique autoritaire du coup, l'aménagement du territoire, le changement des vies, s'organise en grande partie autour de l'économie de la connaissance, du transfert de compétences, du transfert de savoir, etc., très bien. On dit chiche et on fait pareil, en face. Et je pense que le grand enseignement qu'il y a à être dans la tête de l'ennemi, à lire le programme de François Fillon, à lire Avion Cohen, à lire Lisbonne, à lire les rapports à la con de Michel Lussault sur les hyperlieux, genre le musée de Conan, la Bidao, la Nice hyperlieux, on est sauvé, la nouvelle salle de spectacle de Bordeaux, sachez-le, est un hyperlieu. Il fait le Bordeaux légal de Bilbao, il l'a écrit dans Bordeaux Magazine, donc c'est vrai. Non mais Bordeaux Magazine, il l'a donné à tous les foyers. Hein. Et les gens sont tellement bombardés de ça qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont lu. Et qui se sont dit, c'est déconné. Bah très bien. Jouons sur ce savoir commun. Jouons sur le fait que cette mythologie-là est une mythologie. Tout le monde sait que c'est une mythologie. Et qu'en fait, elle fait de l'université l'endroit où ça se passe en la faisant sortir de ses propres murs ou en la mettant dans la ville. Et bien, il faut faire ça. Merci. Merci. C'était dense, riche. Vous voyez. Donc, il nous reste une petite demi-heure de discussion. Enfin, pour les courageux, on a jusqu'à 21h avant de se faire virer, je crois, c'est ça. Moins 5. Moins 5. Les chiens arrivent avant. Ça. Non, mais moi, je suis tout à fait. Content de ces trois contributions qui rentrent à chaque fois par un angle différent. Ça marque bien justement ces multiplicités de la fois d'échelle et des niveaux d'engagement. C'est intéressant. Ouais, non, pour vas-y, je t'en prie. Non, il se trouve que Christophe Bouillot réagit à démolition et il disait qu'il faudrait quand même qu'on se pose un peu plus la question de ce qu'on peut bloquer. C'est vrai que, par exemple, j'étais assez scotché comment à Paris 1, les précaires et les vacataires ont gagné assez facilement en faisant une grève de remise des notes, en disant basta, le paiement des vacations au bout de 6 mois ou 9 mois, ça commence à bien faire. En très très peu de temps, ils ont obtenu gain de cause. Il y avait des élections même. Oui, mais quand même. Oui. Oui, non, moi je voulais revenir sur un aspect politiquement important qui est quand même cette séparation qui, effectivement, tu l'avais dit de manière différente, entre des universités d'excellence, donc ce serait des espèces d'oligopoles concentrant le meilleur, toute la force de production, d'innovation, etc., qu'on voit bien, avec ses IDEX, ses machins, et puis de l'autre, des universités de proximité qui seraient en fait une réserve de main-d'œuvre au sens presque marxien, finalement à bas coût, dans lequel on pourrait les puiser en fonction des besoins de main-d'œuvre ou autre. Est-ce que c'est observable absolument dans tous les pays de la même manière? Ou est-ce qu'il y a des nuances quand même qui se créent? Parce qu'effectivement, dans le cas français, il y a justement cette fissure qui s'est... C'est un peu comme les réacteurs de Aix-Arriva, Corano. C'est-à-dire que les grandes écoles, le système est tellement complexe, plus les instituts de recherche, enfin on a parlé du CNRS, du CEA, il y a l'INRA, il y a le CERM, enfin bon, on a quand même un monde qui est extrêmement... Après, il y a des communes, par exemple... Une espèce d'amalgame, pour parler comme les dentistes, dont on ne connaît pas exactement la tenue de route, qu'on voit bien que en fait, ça ne tient pas forcément longtemps, il faut que l'on conserve les dents. voilà, les amalgames, faut que ça. Et donc, dès le départ, ça a commencé à lâcher. Et qu'est-ce que ça peut produire, ça? Est-ce que on va avoir effectivement un double standard, un truc qui va devenir absolument. Irréversible de ce point de vue-là, effectivement, avec l'université du pauvre, etc. Ou est-ce que il va y avoir quand même une recréation d'interconnexions, parce qu'il y a des instituts ou des organismes qui ont une ampleur nationale, par exemple le HESS, qui a une antenne à Toulouse, actuellement en pleine tournée d'ailleurs, à Marseille, à Lyon, le Muséum d'histoire naturelle qui a des antennes partout, le CNRS qui est un peu partout. Donc il y a une. Enfin voilà, ça va être beaucoup plus compliqué que simplement une binaire. Et est-ce que justement, puisqu'il s'agit de pas de penser forcément comme l'ennemi, mais d'utiliser la complexité du système contre le système, cette multiplicité d'appui ne peut pas être un levier? Parce que, on a beaucoup parlé d'université, mais en 2009, les EPS, étaient dans la rue aussi. Hein. Il y avait des gens d'INRA, il y avait des gens de l'INSER, il y avait des gens, même de l'Institut Pasteur, qui étaient vent debout contre les propos de Sarkozy, en fait, au début. Hein. C'était quand même ça. Les chercheurs ne sont pas évalués, la lumière s'est chauffée l'hiver, il y avait sorti des trucs. Et au premier rang, il y avait la présidente de l'EHESS. Je l'avais mis très en colère. Hervé Léger avait été chargé de présider le comité de l'innovation du pouvoir et elle était juste en face de lui. Sur la vidéo, ça se voit. Enfin bon. Et donc, est-ce que c'est. Voilà. Cette binarisation est fatale ou est-ce qu'il va y avoir des choses beaucoup plus mêlées, beaucoup plus compliquées qui se décident? Sachant qu'il y a aussi l'international. À mon avis, il y a un truc crucial qui fait que la binarisation peut très difficilement marcher en France, c'est les grandes écoles. C'est l'existence de tout un réseau de grandes écoles qui est complètement transversal à ça. C'est pas Polytechnique, c'est pas des amis. New Uni, ça ressemble beaucoup à l'IDEX et compagnie. Sauf que ça veut quand même dire qu'ils ont. Polytechnique a choisi de sortir de l'IDEX pour ne pas avoir à renoncer à son fonctionnement semi-mafieux. Et Polytechnique qui sort de l'IDEX et Sciences Po qui préfèrent sortir de l'IDEX que de fusionner avec Paris 5 et Paris 7. Parce qu'en pratique, il y avait pas une phase des X 150 projets Panzer, soit Dragir, de fusion de Paris Centre. C'est quand même une phase Paris 5, 7, Sciences Po. Et puis Sciences Po a réussi à obtenir de ne pas y être. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ces grandes écoles, et pas les moins, qui ne veulent pas en être. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils sont assez grands, assez forts pour subsister, pour rivaliser avec PSL? Est-ce que un truc comme PSL, c'est viable, quoi, aussi? Mais Sciences Po, est-ce qu'il y a 10 ans, 15 ans d'avance sur tout ça? Sciences Po a toujours joué le beurre et l'argent du beurre, le privé, le public, le mélange de statut public, les frais d'inscription qui étaient plus hauts, ils ont des campus sur toute la France à décentraliser pour faire monter en charge. Eux peuvent faire cavalier seul, ils ont totalement précédé tout le monde sur des statuts combinant privé-public depuis bien plus longtemps que tout ce qui a été expérimenté par la suite. Ils sont au centre, la moitié, les gens qu'on appelle des tête de conf à Sciences Po sont des gens qui descendent d'un ministère pour aller faire un TD à 200 mètres plus loin sur le boulevard. Donc ils sont tellement inscrits dans l'ADN du pouvoir qu'ils sont tranquilles, Sciences Po. En l'occurrence, on sait qu'ils étaient favorables à la fusion scientifique et même à moi qui suis physicien, à récupérer les sciences dures qui sont un déficit de formation, mais c'est la fondation. C'est au moment où les pré-négociations IDEX ont demandé que soit intégrée la fondation, l'argent, que ça a lâché. Donc c'est vraiment la mutualisation de l'argent plus que... Je pense que, comme tout le monde, ils sont sensibles au fait qu'ils se savent déficitaires en recherche. Oui, peut-être deux mots par rapport à puisque Jean-Louis qui arrive finalement maintenant, je découvre parce que j'ai mis du temps à comprendre, je suivais par tweet, mais du coup j'ai compris après. Et donc, comme tu as fait référence à ce projet qu'on a donc anti-bolognienne, je suis un peu à l'origine, mais donc je veux juste rebondir sur parce que, par rapport à votre intervention tout à l'heure, où il y avait les eux et nous, venant de l'université Paris-Est, c'est-à-dire que si vous voyez que je viens particulièrement de Créteil, que j'ai été recrutée à Créteil par Bernard Desambours, que j'ai très bien connu Simone Bonafous, donc je connais des gens dont vous parlez ô combien, je les ai côtoyés, on peut dire de près, j'ai même une fonction de vice-présidente à l'université, donc c'est pas facile, donc je serai dans les L, on peut dire, mais je suis enfin sortie, mais alors complètement de ce système, et donc je ne crois absolument pas aux compromis, aux petites résistances, aux chartes, parce que par ailleurs, autre tard, que j'ai par rapport aux discussions ici, c'est que je suis dans le domaine des sciences de gestion. Il faut donc que j'enseigne, il a fallu que j'enseigne des disciplines comme gestion des ressources humaines, c'est un énorme problème, et que moi-même je venais du monde du privé, j'ai d'abord travaillé dans une firme multinationale, parce qu'en plus je suis diplômée de l'ESSEC, donc j'avais tout ce passif absolument épouvantable, que quand je suis arrivée à l'université, pour moi ça m'a paru une institution mais extraordinaire. D'ailleurs, je me suis dit, nous sommes dans des vrais, ce que certains auteurs parlent d'anarchie organisée. Et je me disais, mais vraiment, donc vous voyez, j'ai mis un certain temps avant de comprendre. Et moi, je sortais, j'ai fait mes études entre 77 et 80 dans cette soi-disant grande école, où je n'ai absolument rien appris, sauf que c'était tous les Chicago Boys qui revenaient et qui avaient placé Reagan au pouvoir et qui voulaient se faire conseiller. Et donc, ils ne bavaient qu'à travers l'excellence et la recherche de l'excellence. Et là où j'ai commencé quand même à avoir une espèce d'électrochoc, c'est quand l'excellence est rentrée dans le monde universitaire, précisément, et où on nous a balancé tous ces terrible pour moi à partir de l'époque, ça a commencé même, en fait, on pourrait dire, là je ne l'ai pas encore vu, parce que vous avez cité le rapport Aguillon, mais moi je citerais le rapport Attali. Attali est certainement aussi fait partie du rapport 98 pour un espace européen d'enseignement supérieur. Vous trouvez tout, vous trouvez PSL, vous trouvez Paris-Est. Il se disait bien qu'il fallait, dans cette compétitivité mondiale, casser la frontière entre grande école et université. Donc c'est vrai qu'il y avait dans son rapport l'idée de dire il faut qu'on trouve des moyens, on ne va pas les briser, ces grandes écoles, on a bien compris que non, lui-même était technicien, il savait de quoi il parlait, mais déjà, ça clé apparaît déjà dans le rapport à Tali, donc toute la stratégie de regroupement, elle est déjà dans sa clé. Ça, je ne l'avais pas vu parce que moi, Bologne, naïvement, me semblait être, dans la problématique, quelque chose de très intéressant par rapport aux politiques de la Commission européenne. Je me disais, bêtement, pensant que s'il y avait la gauche qu'un pouvoir, que l'intergouvernemental pouvait être un moyen de contrebalancer les politiques de l'Union européenne, qui, elle, clairement, depuis Lisbonne, s'était complètement emparée de la chose. Donc j'ai mis un certain temps à comprendre, jusqu'à mon arrivée au ministère. J'ai en plus été au ministère au moment du règne de Bonafous, à DGCIP, vous l'avez cité, donc je connais les coups de téléphone, j'aurais plein de choses à vous donner, j'ai plein de mails très intéressants entre l'Élysée, Matignon et... si on m'enregistre toujours, finalement, tant pis, comme j'ai plus que 6 ans à faire à l'université, normalement, absolument aucun enjeu de carrière, et j'en ai vraiment jamais eu. Donc j'ai plein de choses intéressantes, et il se trouve que, bon, pour X raisons, c'est bien longtemps que je suivais un peu les discours au travail, d'ailleurs fait au niveau du parti de gauche, mais de loin, mais en tant qu'intellectuel, que quand j'ai particulièrement, je me suis penchée sur l'avenir en commun, je me suis dit, là, il y a quand même une vraie, il y a une cohérence qui fait que si vraiment vous pouvez... c'est absolument pas que on va au pouvoir, mais je me disais, il y a une vraie cohérence pour transformer les rapports de force, quand même. Et après, j'ai écouté, donc voilà, bon, moi j'ai quitté le ministère, je raconterai pas comment, mais dans une violence humaine très forte, parce que très vite, en arrivant au ministère, c'était trop fort. C'est-à-dire, quand j'ai vu que le jury IDEX, que vous mentionniez, gardait le même président sous Sarkozy, sous Hollande, que c'était absolument, qu'il y a deux personnes que je connais bien, qui étaient à, vous avez cité les quatre éléments de l'autonomie, qui font partie d'un rapport que l'UA, l'Association des universités européennes, publie, et avec exactement les mêmes choses. Donc c'était le président Jean-Marc Rapp, il a été président de l'Université de Lausanne et président aussi de l'UA. Donc quand vraiment là, j'ai vu que rien ne changeait en 2013, et c'est vrai que j'ai eu l'idée de me dire quand même par l'Europe, parce que j'ai toujours intellectuellement été proche de l'altermondialisme, et je me disais que peut-être... Donc, je cherchais un candidat. À l'époque, je représentais la France dans ces histoires de groupe de suivi de Bologne. Et je me disais, mais ça pourrait être l'occasion d'essayer justement de renverser ce lobbying qui était devenu un lobbying de la Commission européenne Bologne. Et je connaissais certains Belges, Grecs, qui plutôt partageaient un peu une vision politique commune. Donc je m'étais dit, là, si on est plusieurs Européens, peut-être on pourrait... Mais c'était d'une naïveté, d'une bêtise énorme. Je me rends compte tout à fait. Mais du coup, je me suis dit, il faut quand même que je transforme ça de manière... et c'est comme ça qu'en écoutant la question de la préparation des Européennes pour 2019, et que j'ai entendu l'Europe insoumise, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire, une Europe insoumise des universités. Et c'est comme ça, je raconte, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire vraiment, que je me suis adressée au livret ESR et aux députés de la France insoumise, en leur disant, ben voilà, moi je pense que par le biais de l'Europe, de l'international, de l'altermondialisation, c'est qu'à ce niveau-là que ça pourra aussi faire bouger les choses. Et je crois que c'est comme ça que l'idée a rebondi et que donc on travaille sur l'organisation de ce contre-événement de Bologne. Que du coup, alors moi j'ai plein de réseaux qui ne sont pas forcément, dont on ne se dit pas. Vous voyez, on était plein. Un jour j'ai rencontré dans une manif un collègue du ministère qui travaillait à la DRIC. On était comme ça avec des grands yeux de se voir là dans ce même endroit. C'est-à-dire que le monde du ministère, vous parlez, je ne sais pas, personne n'est parti là, de ce monde bien particulier des technocrates. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, moi, je pouvais même pas. Je suis ravie d'y avoir été finalement parce que je comprends mieux et je me dis, voilà, là où vraiment, si on touche pas à ça, ça pourra jamais bouger. Donc dans la discussion d'aujourd'hui, je me disais, voilà, mais moi, je suis vraiment étiquetée dans les E, les L, et comment être dans les nous, d'autant que je suis dans une fac de gestion, dans un IAE, et que c'est terrible, quoi. Mais que je me dis que là aussi, face à nos étudiants, parce que si on en est là aussi, c'est qu'on a formé des milliers, des millions de MBA dans le monde entier, tous sur le même modèle, et que dans les organisations humanitaires, vous en parliez, c'est dingue. Là, j'étais au Forum mondial à Salvador, j'étais désespérée de la manière dont on gère le personnel des associations. Ils ont complètement eux-mêmes intégré. Je trouve que c'est le plus sympa d'aller faire des gestions dans l'humanitaire. Oui. Oui, mais c'est ça qui est horrible parce que du coup, ils croient des universitaires dans les univers dans lesquels ils arrivent, alors que pour eux, ça leur fait du bien. Mais oui, mais moi, au début, à l'ESSEC, j'ai pris la branche ressources humaines parce que je pensais que ça serait moins pire que la finance. Et en fait, c'était bien pire. Ça, je l'ai compris au bout de 3 ans dans une firme multinationale. J'ai compris que non, vraiment, c'était pas possible. Donc, c'est vrai, peut-être pour donner quelques lueurs d'espoir, même des résistants à la sortie du système comme moi, tard sur le tard. Mais il arrive, et dans tout un parcours, un cheminement, en fait, qui fait que, par rapport à une certaine accusation, vous disiez au collège, je sais, il y a un livre aussi que j'aime bien de Yves Dupont sur l'université en miettes, servitude volontaire. C'est vrai que c'est un rouleau compresseur, quand même, extrêmement, extrêmement puissant. Et que c'est pas facile et que les réseaux de solidarité sont indispensables pour oser déjà parfois dire mais non, là, finalement, oui. Et s'enlever cette culpabilité des fois qu'on a à faire des compromis qui parfois, quand même, on sent bien que là, on est borderline et qu'on ne devrait pas les faire. Et on les fait aussi parce qu'il y a des périodes dans notre vie aussi où, bon, voilà. J'ai une question technique sur Madame Bonafou. Oui, on n'enregistrait pas. C'est une spécialiste de Michel Foucault. Alors, pas elle directement, une spécialiste d'analyse de discours politique. Elle a travaillé sur le Front National. Non. Ça, je sais, je connaissais pas. Oui. Mais derrière, il y a quand même... Derrière, quand même. Elle était chevènementiste quand elle était au PS, plutôt. Moi, j'ai le texte qui est très focal. Oui, enfin, bon, avec Créteil, on avait des... Oui, c'est intéressant. Mais vous savez, derrière, il faut aussi vous additionner les choses, c'est des logiques financières. Hein. Les primes des directeurs généraux sont énormes. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour perdre 85 000 euros par an? C'est ça aussi, vous voyez, ce phénomène de rémunération des bureaucrates, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Les chefs de bureau, ils ont des primes de 45 000 euros par an. Hein. Oui, j'ai découvert ça parce que je voyais bien. Et c'est aussi des facteurs qui expliquent beaucoup de choses. Hein. Qui émerge, c'est l'articulation des échelles, parce que d'un côté, on avait donc cette idée de territorialisation, de relocaliser, effectivement, je crois beaucoup à cette idée-là, moi je travaille plus sur des questions écologiques, donc forcément c'est un sens immédiat de s'intéresser à des écosystèmes particuliers et d'arrêter le discours d'anthropocène, parce que, qui justement, alors lui n'arrête pas la machine, au contraire, la nourrit complètement. C'est-à-dire d'aller aider précisément des zadistes, par exemple, n'importe quoi, toutes sortes de milieux, autochtones ou pas autochtones. Et donc, il y a cette dimension du local qui devient absolument centrale. Donc, Alinsky ou pas Alinsky, il n'en sait rien. Il y a le côté community organizing qui est un peu énervant, qui a gagné un peu Sciences Po, tout ça. Enfin, bon, voilà. On connaît les responsables d'ailleurs, ils sont liés au GIS démocratie dans lequel je suis. Mais et de l'autre côté, il y a cette échelle donc de l'international qui quand même travaille maintenant les milieux de recherche et universitaires en profondeur depuis très longtemps. Ici, à l'EHESS, en fait, pour être légitime, il faut être international d'abord, il ne faut pas être présent ici. Être absent, au contraire, il faut toujours avoir de bons raisons d'être ailleurs. Ça, c'est toujours construit comme ça. C'est-à-dire que l'importance relative se fait par la distance. À la limite, si vous êtes là, c'est que vous êtes nul, quoi. Donc, vous êtes bon, justement, pour une tâche subalterne. Tiens, on a besoin de quelqu'un pour le. Et donc, en fait, il y a une dimension là aussi. Alors, je ne sais pas si c'est de la différenciation. Mais moi, ça me pose la question de cette adhésion à tous les instruments de mesure. Qu'on accepte effectivement tacitement comme ranking de toutes sortes, qu'il faut arriver à travailler. Donc entre le local, le ranking et puis les institutions distantes, le travail politique il est décuplé, enfin il est difficile à tenir. Donc comment distribuer, parce qu'il y a un problème de distribution en fait, des tâches critiques, des tâches. Tu parlais de contre-expertise en disant ouais bon, on ne peut pas faire refaire, bah oui mais. C'est continu, c'est pas simplement on fait une contre-expertise à un moment donné, puis on passe à l'action. C'est qu'on voit bien qu'il faut continuer. Il faut que ce soit continu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation des phases, parce que sinon on est complètement largué par les processus, puisque ça se passe à bonne échelle. Moi je pense qu'il y a un levier qui fait jouer les deux échelles dans une action d'opposition, c'est la question de la signature des articles. C'est-à-dire que si on n'avait pas les affiliations, ça devient intéressant de voir comment les rankings d'établissements sont établis. C'est aussi la même. Ils le font, moi je ne mets pas PSN sur mes papiers, ils le mettent sur RHS à ma place. Non, mais ils le font à ma place, ils ont mis sur RHS des papiers. Voilà, alors, il y a le problème de là. J'ai jamais demandé. Dans ma fac, là, ils décident, on va lutter pour l'accès libre en migrant sur RHS. Très bien, un mec qui est choisi pour pouvoir faire quand même le FICAL. Mais une fois que vous avez signature, ça c'est un truc sur lequel il faut travailler. La piste de la signature unique, université française ou recherche française, pour faire exploser les statistiques, parce que évidemment, si tous les chercheurs français, c'est une recherche française, aller calculer un ranking, et par ailleurs, ça rend un coup de main aux collègues à l'étranger, parce qu'évidemment, on fausse toutes les statistiques internationales. C'est des pistes intéressantes, mais c'est comment on y va, quoi. Spécialistes ici. Mais moi je pense qu'il y a un enjeu autour des moyens techniques de ces trucs d'évaluation qui repose en fait uniquement sur notre collaboration. Absolument. Jusque dans la formulation des signatures où moi le numéro de bourse je ne le mets pas, l'affiliation universitaire, si je peux ne pas la mettre, je ne la mets pas, et de toute façon. Donc pour l'anecdote, moi, on nous a demandé un rapport d'activité individuelle à l'EHESS, la première fois, l'année dernière, et on avait droit à 6000 signes. Au début, c'était 4000, puis le président avait dit 6000. Donc 6000 signes, une année d'activité, ça ne rentre pas. Donc moi, j'ai sous-traité à mon logiciel, le générateur de variation, il en a fait 20 millions, Et la première phrase, c'est « Il existe 20 millions de variantes de ce rapport d'activité. » Donc, en fait, il prend aléatoirement telle séance de séminaire, telle mission à l'étranger, tel article, telle discussion avec tel doctorant. Je sais quand même qu'il y a un maximum de doctorants pour qu'il n'y ait pas de blessure narcissique. Mais en gros, on peut détourner, on peut faire plein de trucs de ce genre, effectivement. Et alors, c'est pas encore paru. Ce truc, je ne sais pas où ils vont le mettre, mais on verra que ça a été fait par une machine génératrice à la Pérec, quoi. Mais tout est vrai à l'intérieur. Simplement, c'est aléatairement combiné. On peut faire des choses comme ça. Bon, si ça vous intéresse, on peut donner le code. Et vous avez une question à la monsieur ? Oui. C'est plus un commentaire. Je suis arrivé à la troisième, dernière partie de la réunion. Donc, j'ai pris que certains aspects. Et il y en a un qui est quand même assez récurrent, c'est la question université. Grandes écoles. Ouais. Je fais partie du côté grandes écoles, puisque j'ai fait X en 1968. Donc, c'est une histoire. Simplement, je voulais dire que si nous avons, je dis nous, l'école polytechnique et les anciens ont souhaité. On a voulu se protéger d'une forme de privatisation en restant clairement dans le champ de la défense nationale. Ce qui n'est pas forcément panacé, parce que là, ça ne va pas tarder à être privatisé aussi, enfin, si on y fait, sauf si on y fait quelque chose, mais en tout cas... Voilà. Ben, non, mais il y a ça, il y a l'IA aussi qui peut... Ouais. Bon, enfin, aucune... Enfin, je ne vais pas aller plus loin dans mon analyse politique, simplement pour dire que... Bon, moi, j'ai connu en 68 aussi, c'est très récurrent cette question, université, grandes écoles. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus... moi, j'ai vécu du temps du gouvernement, de l'épisode Hollande, y compris donc avec Thomas, comment il s'appelle, Thierry Mandon, des séances, mais de haine, de haine entre les collègues universitaires et puis bah, surtout des collègues universitaires. Où je n'ai rien dit à ce moment-là, parce que ce n'était pas le moment d'en parler, mais il y a quand même un peu... Bon, il ne faut pas non plus pousser, quoi. Et je pense que il y a des organisations qui peuvent avoir une place, à condition qu'elles ne soient pas délirantes, comme on a vu, les X-Télécom aller faire les guignols à Wall Street, etc. Mais on les a vus pas seulement en Wall Street, on les a vus aussi en France. Quoi. Donc, d'ailleurs, très clairement, les scientifiques, c'est pas des trucs stupides. Si l'ENA a viré les grands corps de l'état technique, c'est parce que les grands corps de l'état technique étaient un petit peu moins corruptibles que l'ENA. Les 500 ENA parmi les 5000, quoi. Non, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais... donc c'est pour ça que quand on parle... Pour la dernière phrase, mais il faut voilà, donc simplement, essayons de rester... Oui. Non, mais je pense qu'on est dans un système avec une biodiversité, voilà. Enfin, une sociodiversité incroyable, et qu'il faut justement avoir une position... vous voulez dire... juste sur l'articulation des niveaux... je pense qu'il y a effectivement trois niveaux qui seraient un international, mais qui est très local, hein, parce que c'est effectivement des scénarios de décision. Il y a la question de l'écosystème local, des mobilisations qui, je pense, fonctionnent bien et hyper importantes. Il y a la question, malgré tout, d'une construction d'argumentaire au niveau national, où il faut qu'on fasse attention à ne pas parler trop savant et à reconnecter à, effectivement, tout un ensemble de milieux sociaux. Désolée, je suis un peu insistante là-dessus, mais que ce soit, effectivement, les ingénieurs, les journalistes, les médecins, les assistantes sociales, les sages-femmes, la protection judiciaire de la jeunesse, les gens qui bossent à Pôle emploi, et qui tous, à mon avis, sont en train d'être dépossédés de leurs outils, de mesures du monde. Et il me semble qu'il y a une autre chose aussi qui devrait être travaillée en argumentaire, qui est la question de la dette étudiante, du plagiat et de la fraude, parce que c'est quand même beaucoup lié à toutes les transformations qu'on voit aujourd'hui. Je vous lis juste un passage, c'est un mail qu'un copain m'a envoyé au début de l'année, après démolition. Il bosse à l'université d'Ottawa, c'est un français, donc il s'est pris dans la gueule le système canadien, et qui me dit, je cite ces 10 lignes, « La sélection, c'est l'étudiante qui vient de quitter mon bureau et qui négocie sans négocier les 5 points de la note de passage et donc les $700 que lui a coûté mon cours. » C'est l'administratrice occupée à plein temps toute une partie de chaque semestre avec les demandes de notes différées, appuyées par des certificats médicaux que les médecins distribuent sans plus vraiment y regarder, devenue dernière variable d'ajustement pour des étudiants endettés jusqu'au cou, voire le mur de la dette dans un des bâtiments de l'université, et qui travaillent quand même à plein temps. C'est des étudiants qui plagient à tour de bras parce que ça passe ou ça casse. C'est une autre étudiante brillante qui cumule 2 emplois et qui prend en plus un cours d'initiation à la recherche avec moi parce qu'à la clé, il y a une bourse de $1000. La sélection, ce ne sont des étudiants pas fondamentalement meilleurs au cycle supérieur, mais moins nombreux parce que sélectionnés par les notes et par l'argent. La sélection, je ne sais même pas si je lui dois mon salaire. Voilà. Brave New World. On avait dit qu'on partirait sur une note optimiste parce qu'on a une autre réunion. Tout le monde travaille ici. On va commencer pessimiste et finir optimiste, j'espère. Du coup, alors moi j'ai soutenu ma thèse l'an dernier. Au cours de mon parcours, donc j'ai fait affaire aussi, donc j'ai enseigné, et je me suis rendu compte que finalement je ne pourrais pas m'épanouir dans ce milieu. Donc, par exemple, dans mon labo, ma chef a fait 2 burn-out. J'y suis retourné il n'y a pas très longtemps et il y a une chercheure qui pleure tous les jours. Enfin, en gros, ça passe très mal dans ce labo. Et du coup, j'ai essayé. Enfin, pareil, j'avais une idée de ce que pouvait être l'université, de ce qu'elle devait être. Et cette idée, en fait, est venue en me demandant bah, pourquoi chercher et pourquoi et comment enseigner et à qui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir auprès de l'Université Populaire à Lyon. Et pareil, les conférences, en fait, les chercheurs, c'est surtout une conférence donnée, enfin, ils reproduisent en fait ce qu'on pouvait voir à l'université. Et je trouvais qu'il y a une énorme violence en fait, symbolique, notamment dans les propos utilisés qui n'étaient pas compréhensibles par tout le monde. Et c'est pour ça que je pense personnellement que l'université est dans cet état-là, parce qu'elle s'est coupée. D'une part d'un langage clair et cohérent à destination de tous, et d'autre part des pratiques quotidiennes. L'exemple que j'aurai, c'est les fabriques de sociologie à Paris 8, je crois, où l'idée c'est d'élaborer une recherche dans l'action, enfin une recherche en accompagnant les expérimentations sociales. Donc c'est être à côté des mouvements sociaux, d'associations, et avoir un regard réflexif sur la pratique pour les aider. Parce que je pense que nous sommes tous dans le même bateau, c'est-à-dire que pour moi on lutte tous contre une certaine forme d'aliénation. C'est-à-dire considérer par exemple que une pensée rationnelle est une pensée humaine, c'est faux. Mais je pense que les données, enfin, quand on regarde de la neurosciences, on constate que c'est des gens qui ont des lésions graves du cerveau qui pensent de façon rationnelle. Excusez-moi. Sauf les physiques. Même la question environnementale aussi, pour moi, est une question d'animation, parce qu'on considère justement que les méthodes culturales peuvent s'affranchir du sol, de l'environnement, et qu'on balance une tonne de produits chimiques pour pallier à ces problèmes de croissance. Et pour moi, la question sociale aussi, une question d'aliénation, parce que on déconnecte le travail de l'humain, le travail humain, c'est deux choses qui sont un peu différentes. On considère que les gens se résument à des CV, et je pense que pour la grande lutte, peut-être trouver à ce niveau-là, au niveau de cette lutte contre l'aliénation, et peut-être réhumaniser la société. Juste pour la prochaine séance, alors ouais. C'est assez ouvert, on a pour l'instant un invité qui a publié un bouquin déprimant hein, que tu as publié à la description de l'université française. Il y a quand même, je vais vous compter, 7 pages de propositions. Ouais. Donc il y avait quelques perspectives, et c'est précisément ces perspectives que tu vas développer, en principe, si tu réponds à la commande, obligatoire. Et pour le reste, bah, c'est quand même assez ouvert. Je proposerais justement que tous ceux qui veulent envoyer une proposition, voilà. Une page, pas beaucoup plus, sur une idée, ou reprendre quelque chose qui a été dit, et qu'on puisse le rassembler et puis le lire en séance et le discuter, ça serait génial. Merci. Vous serez évalué par une commission indépendante. Apparemment, on va être aidé un peu par l'actualité, avec un peu de chance. Enfin, on ne sait pas. Mais et ça pourrait être voilà, une façon de. On aurait une présentation, puis derrière, justement, après la destruction, on reconstruit. Ouais. Non, pour finir sur. Merci en tout cas. Merci.